allonger et voir le soleil se coucher, se coucher, immobile jusqu'au dernier battement de cils, de cils. Cœur léger, léger.